بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه من تبعهم يصن اليوم الدين أما بعد. طبعا من اليوم إن شاء الله سندخل في هذا الكتاب مباشرة. montre directement dans le kitab après la mukaddima qu'on a prière. Fa kama kuntu lakum nuhawil, on espère pouvoir prendre inchallah un ders étalé sur deux cours, un et deux jours, c'est ce qu'on espère. S'il y a besoin après d'élargir, on élargira si on voit que c'est trop, ça va trop vite ou que voilà. Bi qadr al haja tamam. الدرس الأول بعنوان إلى السوق. إلى السوق. السوق معروف في لو دو كوميرس. قال الكلمات الجديدة. طيب أولا هنا لو فيرب أعد يعد معنى بريباري. لا معنى بريباري في هذا. Élaborer peut-être aussi, non ? Là, dans le texte, il veut dire « adda yuriddu ». Préparer, hein ? Il y a quand on met un mot, là, dans le truc, on ramène pas tous les sens, sinon ça va chawesh. Là, on prend le sens qui est monastique par rapport au texte. Qui est plus proche. Qui est en rapport au texte. Arranger. Non, là, c'est préparer. Misère, ça, c'est une radio. Nous, écrit à côté. Radio en version arabe. Misère. Jawrab, chaussette. Waljam, jawarib. Hadiya, c'est cadeau. Hadiya, cadeau. Pantalon. Hadha mima amad bilil balwa. C'est le pantalon. Et nous, on va changer par sarawil. Dans le texte, on va dire Sarawil. Car le pantalon, en vrai, c'est un vêtement qui est parmi les vêtements des koufars dont on n'a pas besoin. Hiza'un, ma'na, na'al. Chaussure. Na'al, c'est tout ce qui se chausse qui est en dessous des chevilles. Et tout ce qui est en dessous des chevilles s'appelle khouf. En vrai, des chaussettes, ça rentre dans le hukm du khouf. Ou demain tu mets des chaussures montantes, elles prendront le hukm du khouf. Et à la base du khouf, c'est des chaussettes faites en peau d'animal, en cuir. Qamis, ma'rouf. Qamis, ma'rouf. Akh, ma'rouf, le frère. Ukht, ma'rouf. Wa sa'a, là, ils veulent par là, la montre. Car sa'a, ça peut être l'heure. Ils veulent, comme il l'a dit à côté, ala, c'est l'outil, c'est-à-dire la montre. La montre qu'on porte au poignet ou qu'on porte à la poche. Ou... Non. Taïb. El-Hiwar. Aujourd'hui, on va faire le Hiwar. Chaque jour, j'en fais un avec vous. Et je choisis un deuxième frère qui lit avec moi. Donc on va commencer avec toi. Anna, je vais prendre le texte de Mustapha. Et toi, tu vas prendre le texte de Hassan. Et je prends le texte du narrateur. Et on va traduire également en même temps les phrases. El-Hiwar. Donc là, en narration, on dit Mustafa wa Hassanun yuridani an yazhaba il-souq li shira'i ba'd ma yuridanihi wa huma yasta'idani lil-dhahab. Donc Mustafa et Hassan veulent yuridani, ces deux. Aller au souk, l'ishira, c'est acheter. Pour la charaba, c'est le masdar. C'est un masdar de shari, de shara yashri, afin. Shara yashri. Aujourd'hui, on l'emploie par ishtara yashtari, qui veut dire acheter. Pour acheter de certaines choses qu'ils veulent. Donc, ils se préparent pour s'y rendre. Yakoulou, Mustafa. Hada wal waqtu al munasibu li zahab il souk. Ya Hassan. Donc, il dit. Là, c'est le temps adéquat, munasib qui convient, adéquat, pour aller au souk, au Hassan. Faddal. إنني أنتظرك منذ ساعة فقد أعددت ورقة وكتبت فيها ما أريد شراءه. هذه ترجم. J'attends depuis une heure. Non. J'ai préparé des papiers écrits dessus. Une feuille. Waraqatan, c'est واحدة. Une feuille écrite dessus, ce que je voulais acheter comme achat. Tu vois, donc là, Adda, c'est maintenant préparé. C'est ça qui convient ici. Non. Yakul Mustafa, ماذا تريد أن تشتري؟ Qu'est-ce que tu veux acheter? سأشتري بعض الملابس. الشتوية ومذياعة راديو صغيرا. وماذا ستشتري أنت يا مصطفى؟ ملابس جم دو ملبس دو فيتمون نعم شتوية سي فين دو شتا الشتاء كي ليفير دو فيتمون ديفير ان فات و راديو petite radio. Et qu'est-ce que tu veux acheter, toi, Mustafa? Ça acheter sarawil, à base de pantalon, mais nous, pantalon, on laisse derrière pour eux. Ça acheter sarawil, et je dis pas sarawilan, car sarawil, c'est un ism mamnou min asaf. À la waz me fa'il. Donc, il ne faut pas de tanouin. وحذاء وجوربا وساشتري ساعة أقدمها هدية لأختي وقميصا لأخي. Je vais acheter un sarawil et des chaussures et des chaussettes et je vais acheter une montre. أقدمها, c'est que je vais donner en cadeau, هدية, donner en cadeau à ma sœur et un قميص à mon frère. Donner un cadeau, أقدمها. En fait, قدمها, c'est avancer une chose. Donc là, on traduirait par donner un cadeau. Vous voyez ? Chose que tu avances en cadeau. Mais quand demain, ça a un sens plus large. Là, ce qui veut dire, c'est donner un cadeau, en fait. Donc, on se dépêche ? Asriya, c'est plutôt toi. Dépêche-toi. Car le chemin... Là, c'est Turuk, c'est déjà le Tariq. On va dire les rues. Ouais, les rues sont pas bondées dans cette heure. À cette heure-là. Boustahama, c'est bondé, rempli. Hayya, ça dit ce mot fi'al, qui veut dire aller. Comme on dit Hayya al-Salah. Pour dire de faire vite. Tayyib. Yaqul fi tadrib al-awwal. Maintenant, l'exercice qui suit. Certains seront faits ensemble ici dans le Dars. Et d'autres, Inch'Allah, seront faits plus tard. Par vous à la maison et corrigé par la suite. Il y a cool. C'est pas tout ce qu'on va faire. Hein. Certains ne vont pas les faire. Tout ce qui est trop de. Yani. Nusus, Kitabat, les textes à écrire, tout ça là. On va khafaf sur vous parce que vous avez d'autres choses à faire, le Coran, le Durus. On prend l'aham. Qala, atadribu l'awwal. Il y a cool. Akmil at-ta'bir. كما في النموذج. Donc là, il veut que tu remplisses l'expression comme dans l'exemple. يقول هذا هو الوقت المناسب لي. Et entre parenthèses, il y a الذهاب إلى السوق. Donc en fait, vous dites par la suite, on prend le mot بين قوسين entre parenthèses, et on y ajoute cette phrase-là. Qu'on vient de citer là. هذا هو الوقت المناسب لي كذا وكذا. C'est l'heure adéquate, le moment approprié, on va dire, le moment approprié, pour, ensuite tu cites la chose qui est entre parenthèses. طيب. الأولى السفر. Qui est le voyage. هذا الوقت المناسب للسفر. شراء الحذاء. Qui est l'achat. Chaussures. هذا هو الوقت المناسب لإذهاب إلى الشراء الحذاء. نعم. أعلن الطعام. هذا الوقت المناسب. هذا هو. هذا هو الوقت Car la différence entre hadha huwa là huwa c'est un damir fasl. Il vient pour accentuer la chose. Si tu dis sans huwa, ça veut dire c'est le moment approprié. Avec le huwa, c'est ça, c'est le moment approprié. C'est plus intense. Damir fasl, samma. طيب شراء السيارة اشتري نواتي هو الوقت المناسب لإظهار لا لا هذا لشراء لشراء السيارة وعشرة نواتي زيارة المريض لا بيزيد الملد هذا هو الوقت المناسب لزيارة المريض هذا هو الأول وسهل جدا التدريب الثاني دونك لا تا ابري une phrase comment faire une phrase pour dire là c'est le moment approprié pour telle chose هذا هو الوقت المناسب لكذا وكذا وكذا التدريب الثاني اكمل كما في النموذج باستعمال ما بين القوسين donc également tu dois faire comme dans l'exemple نموذج on dit à l'exemple Namoudesh, un échantillon, une chose comme ça. Là, le sens voulu, c'est un exemple. En utilisant ce qui est entre parenthèses. Indana, sa'a wa ukhti. Kadimatan mina kosein, sa'a wa ukhti. Un jumla, sa ashtari sa'aten ou koddimuha hadiyatan li ukhti. Donc sa'a et ukhti, on les a mis dans la phrase. Je vais acheter une montre que je vais offrir en cadeau à ma sœur. فالان عندنا كتاب اخي la même phrase à la place de ça tu mets le premier mot entre parenthèses et à la place de ourti le deuxième même que عندك ton dernier انا انت تفضل deux fois comme je suis attention ça اشتريت كتابا كتابا مفعول به كتابا أقدمه أقدمه شد على الدال أقدمه أقدمه أيوة لا on dit pas ها pourquoi on dit pas ها كتاب مذكر المسكولين donc là c'est le domaine revient كتاب donc tu dis أقدمه نعم أدية تن أدية C'est pas Orti, là. Li-Akhi. Je vais acheter un livre que je vais donner en cadeau à mon frère. Qamisun Waladi. Qamisun Lahan. Aïwa, c'est un mafoulbi. Mansoub. Li-Waladi. Non, je vais acheter un Qamis pour l'offrir à mon fils. حذاءٌ وأخي سأشتري حذاءً نعم أقدمه هدية لأخي نعم حذاءٌ Je sais plus si c'est Muzakar ou Mouannas, je ne me rappelle plus son moment. Sayyaratun Walidi. C'est quoi la différence entre Walad et Walid? Le père. Walid, c'est le père. Qui vient de Walada Yalidou. C'est l'ism fa'il. Ça s'emploie pour le père ou pour la mère. C'est pour ça qu'on dit les Walid, el Walidani. C'est qui le Walidani? Les deux. C'est les parents, le père et la mère. Et le Walad, ça c'est l'enfant. Et ça peut être également le walad, ça peut être une fille. On dit walad, c'est l'enfant. De façon générale. Tfaddal. Sa'ashtari sayyaratan uqaddimuhu. Uqaddimuhu. Ça revient sayyara, ça revient pas à walid. Uqaddimuha hadiyatan li walidi. Naam, li walidi. C'est une voiture que j'ai offert à mon père. Quel beau cadeau pour le père. Quel bon fils qu'on aimerait avoir. Tafkiratan ou tafkiratun sadiqi. Tafkira, c'était quoi tafkira qui nous rappelle? Un billet. Sadiqi, c'est mon ami. Andak. Sa'ashtari. Tafkiratan. Naam. Uqtamaha. La. C'est le même verbe que tout à l'heure. Uqaddimuha. Uqtadimuha. Adiyatan. Bisadiki. La. Al-med fil ya. Lissa fil alif. لصديقي لصديقي طيب لصديقي لصديقي نعم تمام هذا مفهوم التدريب الثالث يقول املا الفراغات في الجمل الاتيه باختيار الكلمات المناسبه مما يلي donc là il veut qu'on mette dans les trous les mots qui correspondent شغل ال مراوح سيكوريتي ها non ça ah c'est le carnaval coupé طيب comme je devais encore tourner là-bas je me disais طيب بس يا دولي الحمد لله donc là on doit mettre le mot qui correspond à l'emplacement qui lui revient akadimat ghaliya qui veut dire cher c'est au féminin kathira wasi'a Rakhisun, c'est le contraire de Ghaliya, Rakhis. Jamila, Sari'a, rapide. Akhi, tous ces mots-là, ma'rouf. Taïb. Al-Jumla l'oula, Al-Khubzu, fi hazi, Al-Biqala. Que le khubz est dans, on va dire, cet épicier. Chez cet épicier. Maïa, quel est le mot de l'oula? Rakhisun. Tu peux le mettre rakhis. Non. C'est ça qui convient. Car rakhis, car khoubz, c'est le muzakkar et le mufrad. Donc là, parmi ces mots-là, celui qui revient, c'est un muzakkar mufrad, ça va être rakhis. C'est un khabar. Le khoubz, mubtada, rakhis, khabar. Et non pas sifa. C'est pas un sifa. C'est un khabar. El hafilatu fi hadhihi ou fi hadha ishari'a. Les bus sont dans cette rue. Sali'atun, naam, rapide. Al-ghuraf, jam ghurfa, qui est une chambre. Fi hadha al-bayt. Dans cette maison. Les chambres sont dans cette maison. Il y a mieux. Il y a mieux. Le marna, le sawab. Mais il y a mieux. Parce que les autres phrases, tu mets ce mot-là, les autres phrases vont te coincer. Là. Ah, t'as l'air, ok. Wa-si'atun. Wa-si'atun, les chambres sont grandes, sont vastes. Il y a plus de mots que de... Ouais. Non, ça. El ahdiyatu fi hadha as-souq. Les chaussures dans ce souq. Jamilatun. Tu peux dire Jamilatun. Tu peux dire également. Ghaliyatun. Hein? Ghaliyatun. Ghaliyatun. C'est ça qu'ils veulent. الفنادق في هذه المدينه les hôtels sont dans cette ville Jamilatun la Jamilatun il revient mieux donc celui qu'on n'a pas utilisé كثيره et اخي ça en plus كثيره on aurait pu le mettre également dans الاحذيه في هذا السوق الفنادق في هذه المدينه كذلك on aurait pu le mettre là faut être correct également طيب Akhi, ouais, il n'a pas sa place. C'est un plus. At-tadrib arabia. Celui-là, il sera pour demain, inshallah. Yaqul, ajib an asilatil taliya. Tu réponds aux questions suivantes. Un gros texte. La yalzam. Le texte aide, mais ce n'est pas forcément lié au texte. On va lire ensemble les asilah. Et Inch'Allah, on lira vos réponses demain, Biznila Ta'ala. قال من أين اشتريت القميص الذي تلبسه الآن؟ Donc d'où as-tu acheté ce camis que tu portes maintenant? بكم اشتريته؟ Combien l'as-tu payé là? L'as-tu acheté quoi? ثالثا هل يوجد سوق بالقرب من بيتك؟ Est-ce qu'il y a un souk proche de ta maison, à proximité de ta maison? معنى قريب هنا. متى تفضل الذهاب إلى السوق نهارا أو ليلا؟ Quand préfères-tu aller au souk, de jour ou de nuit? Là, c'est une facile, une virgule entre souk et nahara, ça aurait été mieux. ولماذا? Pourquoi? من أين اشتريت الهدية? D'où as-tu acheté le cadeau? En fait, c'est même pas vraiment lié au texte, mais le texte t'aidera à trouver du vocabulaire pour la réponse. سادسا إذا أردت أن تقدم هدية لصديقك فأي هدية تختار? Si tu veux donner un cadeau à ton ami, alors quel cadeau choisiras-tu? تختار, اختار, اختار, c'est choisir. Quand il y a des كلمات جديدة dans les choses qu'on n'a pas pris dans le texte, اسألوا, demandez. سابعا ما الملابس التي تلبسها في الشتاء? Quels sont les vêtements que tu revêtes, que tu portes en hiver? ما الفرق بينها وبين الملابس الصيفية? Quelle est la différence qu'il y a entre les vêtements d'hiver et les vêtements d'été? طيب, هذا. تمام. ثم الخامس. يقول من نفس الكونتر عندك الاجوبه عليك انت تجد السؤال maintenant tu as la réponse tu trouves la question ضع سؤالا لكل جواب من الاجابات التاليه il te donne les réponses tu trouves les questions الاجابه اقف هنا منذ ساعتين je suis debout là depuis 2 heures ثم التلفاز في المتجر. La télévision est dans la base Madjar, c'est un magasin. On va dire, Tilfa, c'est la télévision. On va dire, El Jawel, téléphone est dans le magasin. La Tilfa, on la casse. Ouais, Tilfa, on la casse. Là, on va changer la question. Je vous donne la réponse, vous trouvez la question. El Tilfa, ou Haramun. Allez, comment t'as jidou soual? Est-il faz? La télé, elle est haram. Si à vous de trouver la question, vous la créez, et demain, elle ira, Inch'Allah. Vous n'avez pas intérêt à vous tromper. طيب, بعد هذا قال جواب أفضل الذهاب بالحافلة. Je préfère. يعني, الذهاب à la base, c'est le masdar de ذهب يذهبو. Il veut dire m'y rendre, en fait. On va dire, je préfère m'y rendre en car. Hafila, c'est le car ou le bus. Hein? Fadil, c'est préféré. Fadil, c'est donne-toi la peine dans le sens où... Qu'est-ce que tu pourrais préférer? Fadil, c'est préféré. Fadil ou hadha la hadha, je préfère ceci à cela. Ça vient du mot Fadil, à la base. Ça veut dire mon fadl, mazdar fadl, qui a mérite une vertu, ou akada. قال, أريد أن أشتري radio, والصحيح مزياع. Voyez, le sawab مزياع, c'est fasih. Je veux acheter une radio. Radio, on laisse, car ce n'est pas un mot à la base arabe. مزياع, il est là, à la place, donc pourquoi prendre un mot qui, à la base, n'a pas d'origine, alors qu'on a le mot arabe qui est présent. ثم قال, سأقدم الهدية لأختي الأصغر. Je vais donner le cadeau à ma plus petite sœur. لا فائدة. قال الأصغر. الأصغر c'est un اسم تفضيل. Superlatif. Et là, J'ai dit urti, c'est akhi. J'ai dit urti. Je crois que j'ai dit urti. Ah, c'est khatar, afwan. So, quand dis-moi la hadiya li akhi l'asra, afwan. Mon petit frère. Mon plus petit frère. Non. Ah, donc là, la fidèle n'a pas besoin. Je crois que j'avais dit urti. En fait, c'est akhi. C'est moi qui ai mal lu. Qal, na'am, wajattu al-hiza'a al-munasib. Oui, j'ai trouvé les bonnes chaussures. Chaussures adéquates. اشتريتها ب 50 ريالا je les ai achetés, je les ai payés, on va dire là, là-bas je les ai achetés, mais on va dire je les ai payés 50 rial. Ça achetari al-sarawil wa al-qamisa min al-souq. Je vais acheter le sarawil et le qamis au souk. Et pareil, la fille, je donne souvent sirwel, c'est pas un mot arabe, le vrai mot c'est sarawil, et même sarawil c'est pas un mot arabe, c'est un mot perse farisi, mais cependant le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'employait. Dans les hadiths, il est venu sarawil. Le sarawil, ça, c'est un mot de darija. Ce n'est pas un mot fasra. Sarawil. Sarawil. Et tu dis sarawilou. Et pas de tanwin. Car il est mamnou min asarf. Comme masajid, masabih. Non. Qal uriddu. حقيبتي قبل السفر. Je prépare ma valise avant le voyage. Ou la dernière. أضعُ فيها كل ما أريدُ. J'y pose tout ce que je veux. Et là, ما c'est معنى الذي. كأنك تقول أضعُ فيها كل الذي أريدُه. Là, ما c'est un اسم موصول. Kulluma uriduhu. Et le ha, il revient à qui? Uriduhu. Ça revient à quoi, hu? Il est mazal rija, le ha, al-zamir. Il revient à l'ladhi. Ism mawsoul, il a besoin d'un aïd. Un zamir qui revient à lui. Là, c'est celui-là. Donc tu dis... من ال من الرجل الذي اكرمته qui est l'homme que tu honorais, le hu il revient à qui? الذي. La base c'est que l'ism mawsoul à la fin il y a un domir qui revient à lui. Des fois il est enlevé, ça arrive des fois, vous allez voir dans certaines jumelles il est enlevé, mais la base c'est qu'il y a un aïd. Et s'il est enlevé, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il est là mais il est mukaddar. Voilà, il est mukaddar, mais c'est obligé, il y a un aïd et une phrase silah après الذي, il y a toujours une phrase qui vient derrière. Il y a un aïd qui vient à Allazi. Ou Allati, ou Allazina, ou... Ça dépend du mot. Autre exercice à faire à la maison. Yakul. Attends. At-tadrib al-sadis. Yakul. Istamil kulla kalimatin min kalimat taliya fi jumlatin mufida. Là, les mots, tu les emploies dans une phrase mufida, qui a un sens. Al-qamis, mundu, tambi, mundu, mundu, on l'emploie que pour un temps défini. Le mot qui vient derrière mundu, c'est un mot de temps, et mudaf ilayhi, et il vient avec un temps défini. Par exemple, tu dis, intazartuka mundu sa'atayn. Je t'attends depuis deux heures. La taqul intaratuka mundu waqtin tawilin. La. Car waqtin tawil, depuis un bon moment, c'est un temps qui est indéfini. Mundu, tu viens d'ailleurs avec un temps défini. Un temps qui est connu. Un temps connu. Un jour, une heure, un mois, un temps défini. Adaché, t'as vu une tabala. Tu peux dire mundu, tu peux dire mudh. Mundu, ou tu peux dire mudh. Antazruka mundh sa'atayn. Ou antazruka منذ ساعتين. أعد. On l'a pris au début, أعد. C'est le verbe du début. Radio. En gros, on a dit ميزياع. أستعد. C'est se préparer. ينتظر. Qui est attendre. Là, c'est il attend. Vous prenez les mots là comme ils sont venus. Hein. كما جاء جاءت الكلمات هنا لا تغير شيء منها قدم on dit قدم à la base si tu dis هدية c'est offrir un cadeau maintenant tu peux dire قدم tout j'ai avancé une chose répondre la phrase la base قدم c'est faire avancer une chose هدية معروف cadeau سهل facile maintenant كل كلمة في جملة. هل أنت تريد في جملة عدد كلمات في جملة واحدة؟ لا بس. ما في معنى. Tu vas mettre plusieurs dans une même phrase, ما في شيء. أهم شيء, tu utilises ces mots dans une phrase مفيدة. التدريب السابع. يقول املأ الفراغ بما يناسب الكلمات التالية. Là, c'est pareil, c'est remplir les trous, comme l'autre. Ça, vous le ferez à la maison, celui-là, Inch'Allah. Indana, Urti, Indana, Addetto, Indana, Sarawil, à la place de pantalon. Indana, Mundu, Indana, Sa'a. Comment on met dans les trous. Trous. Non. Les mots, les... Il n'y a rien de... Donc, il y a... Tu l'as fait mettez un rouge devant les elle a les jumelles qui fait le fara donc shahrin wa ana ufakkiru madha ashtari li usrati wa asdiqai donc il a dit kaza kaza à moi que je réfléchis ufakkiru c'est réfléchir qu'est-ce que je vais acheter pour ma famille pour mes amis thumma qala wa qabl as-safari ila baladi bi usbu'in كلما اريد شراء في ورقه avant le voyage dans mon pays une semaine à l'avance on va dire à mon voyage il y a là yutrou tout ce que je veux acheter sur une feuille ثم قال ثم ذهبت الى السوق واشتريت حذاء لي و لصديقي و لوالدي ensuite je me suis rendu au souk et j'ai acheté des chaussures pour et pour mon ami et pour mon père. Et on va s'arrêter là aujourd'hui, inshallah ta'ala. Il y a quatre exercices. Attends, non, encore le mec. Je mets une marque devant les... Devant le... On avait dit... Voilà. On aura moins de temps de perdre et rien faire. Ah ça, à la base, déjà là, je fais... Un autre khafif alaykoum. À Blaz, il y a encore ça à faire et ça à faire. Mais je ne vais pas tout faire faire parce qu'on sait que si on n'est pas à la jamia de tout qu'à faire, tout le monde est occupé, on prend le minimum qu'on peut de ce qu'il y a de moufide. Si tu as compris le début, le reste c'est. C'est bien, c'est obligé de faire beaucoup. Non. Et je vous conseille, l'imam l'a waqt, un yaktoub al-hiwar al-jadid fi daftar, qui réécrit le texte. On a fait. Un amurzimukum bi, lakin ansahukum bi. Et le traduire. Ma'arzam. La traduction, on l'avait par rapport à l'audio. En vrai, sinon, on ne ferait pas de tarjama. C'est par rapport à l'audio qu'on fait de tarjama. Sinon, entre nous, comme ça, on ne ferait pas de tarjama. Comme on a fait dans le Mourajia du 1. Il n'y a pas de tarjama. Mais là, pour les gens ailleurs, on tarjime pour qu'ils puissent comprendre. Mais entre nous, il n'y aurait pas de tarjama. Donc là, Amché, Anam Sahukumbi, Malzumukumbi. Ce n'est pas un truc que je vous demandais de vérifier. Je vous conseille, si vous pouvez le faire, réécrivez le texte au propre sans dafta. Ça va vous aider à mieux mémoriser les kalimettes, inshallah ta'ala. En fait, les kalimettes, par contre, ça vient avec des gueules. Les tableaux, c'est bien, si on peut faire un... Parce que c'est bien comment ils ont fait un champ lexical, ils ont fait genre... genre Safa, tout ça comme un réel. Non. Si toi tu cherches des mots précis, tu fais un... Tu les as avec toi. Ah, c'est pas mal, ça. Mais le meilleur chose, c'est le hifz. Tu vas les mettre dans ta tête, Inch'Allah. Ah, et tu les utilises après, plus besoin de lexique. Tu dois réviser dans un livre gros comme ça, des fois, c'est genre si tu fais un mot dans un petit cahier, c'est plus facile pour revenir. Ma foumahada. طيب فإلى هنا والحمد لله.